Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Qala al-muallif, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, alihi rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-allama al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, ibtada al-risalah, ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي السنة أن تبدأ أو أن تبدأ الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله تعالى بها في كتابه فأول ما ترون في المصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكذلك قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم دونك المؤلف Rahimahullah, il a débuté cette risala avec هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قال الشارح حفظه الله أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في القرآن الله سبحانه وتعالى au début de chaque surah c'est cité البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة معروف أن cette سورة commence pas par البسمة قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم قال في الحاشية انظر صحيح البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة إلى آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم quand il envoyait une lettre à un roi parmi les rois, alayhi salatu salam, il commençait par al-basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ila akhirah. Qala wa idha tahaddatha ila ashabihi yabda majlisahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal hikmatu fil bad'i bismillah ar-Rahman ar-Rahim at-tabarruku biha. Hadhihi sal hikma. Ay min as-sunnah في الكلام المهم quand on s'apprête à parler un كلام important مثلا un درس une نصيحة أو écrire une lettre un كتاب une رسالة فمن السنة c'est de commencer par البسملة chaque سورة في القرآن est-ce que البسملة c'est un verset de la سورة أم لا ça c'est un autre sujet لكن avant chaque sourate il y a al-basmala كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام المهم commence par al-basmala والحكمة كما قال الشيخ الفوزان ان هذه الكلمه فيها بركه لماذا لان هذه الكلمه استعانه بالله الرحمن الرحيم demander de l'aide à Allah سبحانه وتعالى dans ce qu'on veut faire مثلا écrire ou parler ou conseiller quand ce musulman dit bismillah ar-rahman ar-rahim ay yasta'inu billah azza wa jal qala li annaha kalimatun mubarakah fa idha dhukirat fi awwal al-kitab ou fi awwal ar-risala takun barakatan 'alayha كذلك avec al-isti'ana at-tabarruk أي celui qui dit بسم الله الرحمن الرحيم فيرجو il espère من الله أن ce qu'il va faire يرى de la baraka والبركة c'est le خير c'est quand Allah سبحانه وتعالى il met du خير dans une chose فلهذا avant de manger on dit بسم الله فلهذا عند الكلام المهم on dit بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم tout ça لماذا بأسباب من الأسباب ومن الحكم التبرك بسم الله عز وجل قال أما الكتب أو الرسائل التي لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تكون ناقصة لا خير فيها أي الكلام sans citer البسملة أو autre خطوة الحاجة أو un دعاء avant المهم ne pas se précipiter vers الكلام On parle خاصة quand c'est un كلام مهم أو عند الكتابة مثلا تبغى كونسيي واحد تبغى اكري اون لتر فلا تغفل عن هذا بسم الله الرحمن الرحيم تكتبه اي تو اسبير كو الله سبحانه وتعالى يتفاسيل سيت تاش كو تو كونت فير كو تو كونت انتربرون اي كذلك ترجو البركه الخير لان الخير من الله سبحانه وتعالى كم من الناس peut-être avec une kalima فالور كلام il a pas de تاثير اي لو كلام il a pas de poids ربما لا يلتفت اليه احد ربما un autre dit le même كلام لكن il est مخلص كذلك لا ce comportement يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله اي autre من الثناء على الله سبحانه وتعالى et tu trouves ان كلامه معناه peut-être qu'il est moins éloquent qu'un autre peut-être qu'il est مختصر لكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة. Et tu as un exemple بهذه الرسالة المهمة كشف الشبهات. Et toutes les رسائل de شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. جعل الله فيها البركة. لماذا؟ لأن ces رسائل ولله الحمد. Ces ouvrages sont fondés sur les preuves du Coran et de la Sunna et كذلك فيها الثناء على الله كذلك commence دائما par بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم et tu trouves مع أن هذه الرسائل مختصرة لكن كم من الناس استفادوا beaucoup de personnes ils ont profité et ils profitent بإذن الله عز وجل من علم هذا المجدد عليه رحمة الله قال ومن ناحية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فيها الاستعانة بالله جل وعلا فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم donc il a cité ces deux points importants الاستعانة والتبرك الاستعانة أي طلب العون كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أي demander de l'aide quand on dit بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله الإنسان ضعيف الإنسان لا يعلم الغيب il sait pas ce qu'il va faire ça va être profitable أم لا لكن يتوكل على الله ويستقيم كذلك le bon comportement il dit بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأنه يسك سي الله سبحانه وتعالى يفو que هذا الكلام يسو propage que les gens يبخفيت الله سبحانه وتعالى يفسكي فبسم الله الرحمن الرحيم استعانة دوموند كذلك تبرك أي نسبر لبركة دو هذا الاسم العظيم بسم الله كذلك اسم الرحمن الرحيم قال فالجار والمجرور أي قوله بسم البحر جر واسم إلى مجرور فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره واستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وهذا تقدم معنا كثيرا أن بعض العلماء يذكرون أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر على حسب المقام par rapport à ce qu'on veut faire مثلا si tu veux manger tu dis bismillah ar-rahman ar-rahim اي ton intention c'est que tu vas manger et تستعين بالله وهكذا الكتابة وهكذا الكلام الى اخره on avait détaillé هذا dans certains دروس قال والله اي لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة اي c'est un nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال والرحمن الرحيم اسمان كريم حسنى اسمائه الحسنى يتضمنان الرحمن كانوا يتضمنان يا أصدق ماذا عندكم؟ ceux qui manquent un nun il le rajoute قال يتضمنان أي ces deux اسمه الرحمن فاسم الرحمن فيه تستفيد منه أن سيانون parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى عند أهل السنة يعتقدون أن chaque nom il renferme un attribut parfait de Allah عز وجل Ar-Rahman, tastafid minhu. Anna, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et kazalik, anna Allah subhanahu wa ta'ala, lahu sifatu Ar-Rahman. Hakada Ar-Rahim, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il renferme kazalik l'attribut de Ar-Rahman. Wa ba'd al-ulama yadhkuruna des différences entre Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Wahada, c'est quand ils sont cités les deux. مثل هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعض العلماء يقولون أن الرحمة الرحمن المراد كذا والرحيم المراد كذا لماذا؟ لأن ليسوا ستريدو وإلا سي الرحمن لستي فلا شك أنه سأنغلب الرحيم والرحيم كذلك سأنغلب الرحمن أي من حيث المعنى ابن القيم رحمه الله إلى ستي أن لا ديفيرونس quand ils sont cités les deux أن الرحمن يتضمن صفة الرحمة أي صفة ذاتية أي أن الله سبحانه وتعالى إلا ستتخذ الرحمة الرحيم يتضمن صفة الرحمة أي صفة فعلية أي الله سبحانه وتعالى يفردن يفي ميزيريكورد يرحم من يشاء c'est pour ça que quand الرحمن il est cité seul مثلا في سورة الرحمن الرحمن تستفيد منه أن من أسماء الله الرحمن إلى صفة الرحمة وكذلك يرحم من يشاء وهكذا الرحيم quand il est cité seul لكن quand ils sont cités les deux فالعلماء يذكرون ils citent cette différence أن الرحمن c'est pour صفة الرحمة صفة ذاتية et الرحيم c'est pour الصفة الفعلية وهذا كذلك تقدم معنا كثيرا dans d'autres livres quand on a expliqué هذه الكلمة العظيمة البسملة على كل حال c'est une كلمة عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا لواجبة البسملة le fait de dire بسم الله قبل الأكل مثلا c'est obligatoire أحيانا لمستحبة c'est recommandé لكن الإنسان لا يغفل عن الذكر ça nous montre أن البركة que ce soit dans le كلام que ce soit dans le mariage que ça soit dans l'écriture, que ça soit fait talab al-ilm, c'est par rapport à هذه المعاني العظيمة. استعانة بالله. مثلا, si on prend l'exemple de talab al-ilm, celui qui veut avancer vers l'ilm, الاستعانة بالله. أي لا يظن الشخص أنه il va réussir seul. عيادا بالله. لا. الإنسان il est ضعيف. Et il doit دائما se rappeler أن سئل أبانس في العلم فسيبئذن الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله كذلك سئبك هذا العلم يكون فيه بركة الذكر quand il se lève, quand il dort, quand il va au masjid quand il commence à lire, quand il termine un dars إلى آخره أذكار مشروعة qui sont cités في كتب الأذكار que ce soit أذكار الصباح والمساء أو العلماء اللي ذكر كذلك عمل اليوم والليلة le fait de sortir de la maison de rentrer de monter sur sa monture de descendre إلى آخره أذكار كثيرة فالذي يعتني بهذه الأذكار لا شك أن son temps il trouvera de la baraka tu trouves un autre أنه il est في غفلة et peut-être qu'il fait plus d'efforts qu'un autre لكن il n'a pas beaucoup de baraka que ça soit dans son argent que ça soit dans ses enfants que ça soit dans sa santé إلى آخره فالسر c'est هذا il faut que notre vie que ce soit ما يتعلق بأمور الدنيا وأكثر ما يتعلق بالعلم والعمل الصالح ça doit être fondé sur الإخلاص الاستعانة et كذلك on s'efforce on patiente et on fait مثل هذه الأذكار المهمة قال رحمه الله اعلم رحمك الله قال الشيخ الفوزان اعلم هذه الكلمة يبدأ بها أو يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة إذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم من أجل أن ينتبه أي هذه الكلمة اعلم سابين دو علم فعل أمر اعلم وكما قال الشيخ حفظه الله تعالى أن c'est pour le كلام المهم quand une chose importante tu dis à ton frère اعلم si tu veux montrer quelque chose de مهم اعلم أن كذا وكذا قال واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألق ذلك لما يلقى عليك ولما يكتب لك ونستفيد من هذا فائدة عظيمة أن هذا العلم لابد من الانتباه et on fait attention à la rafla, à l'insouciance d'assister au dars et d'être ailleurs de ne pas avoir de support de ne pas réviser لا الإنسان يحضر لأن كم من الناس ربما يحضر بجسمه قلبه إلى غائب هذا ما سيستفيد كثيرا combien de personnes ils assistent avec leur corps lakin leur cœur il est ailleurs ils pensent à autre chose que ça soit في خطبة الجمعة que ça soit dans une محاضرة que ça soit dans des دروس et مثل هذا il n'a pas استفيد كثيرا أما celui qui est concentré وينظر إلى المدرس quand il parle Et quand le mudarris lit le livre, enfin, yandur ila kitab, et s'il peut prendre des notes, il prend des notes, ou s'il ne peut pas, quand il révise, wa hakada, il est organisé, vahada, incha'Allah ta'ala, avec une bonne niya, avec la régularité, vahada, istafid. Incha'Allah. Qala, fa hadihi kalimatun yu'ta biha li ahmiyati ma ya'ti ba'daha. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Il cite des exemples, ou il a cité des exemples dans son charh, Cheikh Al-Ghazali, Hafidahullah, de certains versets, أن الله سبحانه وتعالى ذكر العلم أي pour une chose importante. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Et sachez, ou afin que vous sachiez, أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. وقال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et avant d'avoir cité Allah سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص, قال عز وجل فعلم. Et sache que ce qui est après c'est très très important. ولهذا قال عز وجل فعلم. Et sache أنه لا إله إلا الله قال وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فهذه كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام والشيخ رحمه الله كمنصوب رسائل par هذه الكلمة وتقدم معنا هذا القاعدة الرابعة وكذلك في الأصول الثلاث يعلم رحمك الله إلى آخره قال ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم فسنموت خلنا أن هذا الإمام رحمه الله كان رفيقا Il voulait le khayr pour les autres. Il avait du rifq, de la douceur. Falihada, ses écrits, les commençaient souvent par Hada du'a. I'lam rahimakallah. Aïk Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Wa hakada, adda'i ila Allah, il doit avoir mitla Hada l'usloub. Hadihi da'wa, on doit la propager bi rifq. Ou bi hikma. Et bi ilm. Amma. Le mauvais comportement, enfin, peut-être que ça deviendra un obstacle entre toi et les autres, même si tu as du ilm. كما قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم لا ولو كنت فظا غليظ القلب لم ما هذا الآية لم فض من حولك أي لا لهربوا لتركوك أي si tu aurais le cœur dur فربما ils t'auraient délaissé وهكذا ça c'est معروف Les gens ils aiment la douceur. Amma vouloir imposer de force du kalam ghaliz avec un uslub qui n'est pas tayyib, qui n'est pas fondé sur la sagesse. Rabbama, même si tu as du ilm, les gens ils t'écouteront pas. On a un exemple fi ulama ina ar-rifq wa ar-rahma pour les autres. Lianna anta si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu as compris tel sujet et tu veux l'enseigner, tu veux conseiller. ففي الحقيقة تدوار الله الرحمة pour les autres. لماذا؟ لأن أنت بحمد الله عز وجل tu sais eux savent pas et tu sais le danger qu'ils risquent à cause de leur ignorance. Normalement, ça doit nous pousser à avoir de la rahma. Mais là-bas, ils ont un peu de ilm ou ils ont eu des connaissances et ils prennent les autres de haut et ils rabaissent les autres. Et si Wahid ne comprend pas, il se moque ou de l'ironie. Et pour bien pouvoir appliquer la ilm, les gens ne sont pas au même niveau. Tu peux montrer une mas'ala toute simple à Wahid, il la comprend très rapidement. Tu peux citer la même mas'ala à un autre et il a du mal. La patience, la douceur, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et pour te motiver et t'aider à patienter, plus tu patientes, plus tu répètes, plus tu probablement tu vas prendre du temps avec un chose, tu es récompensé. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les caractéristiques de notre prophète alayhi salatu wassalam. Bil mu'minina ra'oufun rahim. Ra'fatun wa rahma. Ar-ra'fa, ça ressemble à rahma. Aïe, la miséricorde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la rahma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pas que pour le mu'min, même pour les autres. Même pour le haywan. Même pour les animaux. Même pour les autres, les mazal, les annahu, ils veulent le bien. Ils veulent le bien pour les autres, ils veulent leur montrer. Lakin kathirun minan nasi, i'yadan billah, i'aradun, ils se détournent, yuharibun al-rusul wa atba' al-rusul. Lakin, on essaye de patienter. Et comme minan nas dakhalu fi dinillahi azza wa jal, bisabab hadihi ar-rahma. À l'époque de as-sahaba radiyallahu anhum, كذلك ceux qui sont venus après من التابعين وأتباعهم كم من الناس sont rentrés في دين الله عز وجل pas la cause c'était pas le jihad et par la force là كثيرا منهم ils sont rentrés في دين الله لأنهم ils ont vu de la rahma, ils ont vu le bon comportement, ils ont vu أن هؤلاء leur venait du khair, ils avaient une situation meilleure que la leur, ils ont décidé de suivre leur din. هكذا à notre époque et encore plus à notre époque لماذا لأن on est dans une époque d'ignorance. Kathir min a'immati al-dhalal, ils appellent à leur égarement, al-awam, ils ne savent plus qui a le haq. Et vous avez remarqué que al-mizan, inda al-ammi, la plupart du temps, c'est est-ce que Fulan il a de la rahma, amla? Est-ce qu'il a de la hikma, amla? Est-ce qu'il est doux, amla? Est-ce qu'il est souriant, amla? Les mains d'al-inam, au départ, ils n'ont pas les capacités de comprendre l'ilm. Ils ne savent pas est-ce que tu parles du haq ou un autre. Là, ils regardent le comportement. On ne doit pas négliger ce point. On doit faciliter pour les autres. On ne doit pas compliquer les choses. C'est déjà compliqué pour certains. Ils ne savent plus qui a le haq. Tous ces groupes, toutes ces sectes, tous ces prêcheurs. Avec l'ilm, bien sûr, l'ikhlas est le bon comportement. Et tu as un exemple avec le kalam de shir. I'lam. رحمك الله. قال رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. Avant de citer les شبه كما تقدم معنا on avait cité un plan de cette رسالة. أولا الشيخ رحمه الله et ça c'est من حسن التأليف. Comment aborder un sujet, tu as un exemple طيب, avant de traiter les شبه في التوحيد, il va déjà expliquer c'est quoi التوحيد. Et ensemble, wallahi alhamd, on a détaillé hada fi sharh kitab tawhid de Cheikh Saadi rahimahullah. Lakin ba'd an-nas robama ils n'ont pas étudié kitab tawhid, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris. Cheikh al-Islam, avant de rentrer dans le sujet, il va citer une base. C'est quoi tawhid? Si on a compris ce tawhid, ba'd an-nas ils ont des choubah. Des choses qu'ils ne comprennent pas, des choses qu'ils pensent que ça fait partie du tawhid, mais en haqiqa c'est du shirk billahi azza wa jalla. فلهذا قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. En une phrase, il a résumé التوحيد. وتقدم معنا أن التوحيد c'est plus vaste في الحقيقة. التوحيد c'est إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به أو إفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أي أن التوحيد plusieurs catégories, الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكن الشيخ هنا رحمه الله لا سيتي كتوحيد العبادة. لماذا؟ سيأتي معنا من كلام شاء الله. لأن الرسل ils ont été envoyés pour appeler à هذا التوحيد. لأن celui qui a compris هذا التوحيد et qui l'a mis en application, forcément il croit que Allah c'est le Rabb, et il croit qu'il a des noms et attributs, il a akhir. Et pas l'inverse. Les nawad al-nas, et c'est ça qui est important. Nawad al-nas, ils pensent que at-tawhid, c'est reconnaître que Allah c'est le créateur. Tayyib. Ils ont cette fikra, cette aqid. Et là, chacun Allah c'est le créateur. Lakin, est-ce que ça suffit là? Lakin, vu qu'eux ils ont pensé que ça suffisait, ils ont pensé que c'était sa tawhid. Celui qui fait du shirk fil ibada, عندهم, ça n'annule pas son tawhid. لماذا? لأن il a la base. أي أن الله c'est le créateur. Et هذا, c'est un خطأ كبير. والشيخ الفوزان سينبه عن هذا. قال حفظه الله, أي اعلم هذه المسألة العظيمة واجعلها في ذاكرتك. C'est le sujet le plus important. C'est le sujet qu'on doit traiter, retraiter, apprendre, étudier, enseigner, propager. هذا التوحيد العظيم. C'est une da'wah, ou un prêcheur, qui qu'il soit. Sa da'wah n'est pas fondée sur التوحيد, i'lam, annahu il n'est pas à la tariq al-mustaqim. Même s'il appelle au bon comportement, même si lui-même il a un bon comportement, même s'il veut le bien pour les autres, s'il n'appelle pas à ce tawhid, awwalan, et sa da'wah est fondée sur هذا التوحيد, alam anna sa da'wah c'est pas da'wah al-anbiya wa rusul. Et c'est ce qui se passe à notre époque kathiran. Comme min al-nas, ils font da'wah, peut-être qu'il a des milliers d'audios à son actif, peut-être qu'il a écrit des livres, peut-être que kada, et tu ne trouves pas un harf sur هذا التوحيد العظيم. Alors que le problème de la umma il vient sur ce point, et mukhalafatu هذا al-asl. Comme min al-nas, ils adorent les tombes. Comme les gens, ils sacrifient pour les morts. Comme les gens, ils invoquent des morts. Comme les gens, ils vont voir des sorciers. On laisse tout cela et on appelle au bon comportement. Ça, c'est pas min al-hikma. Les gens, celui qui fait du shirk, akbar, son bon comportement, il lui sera d'aucune utilité. Les Yahoud ou les Nasara, ils ont un bon comportement dans certaines choses. Les gens, ils ont une maslaha. Lakin, yawm al-qiyama, s'ils meurent à la kufrihim, ils sont fait mort. Khalidina fiha. Celui qui veut le bien pour les autres et il a réellement de la rahma, il doit appeler à هذا التوحيد. فلي هذا الحقيقة, ce qu'on a cité auparavant, c'est lié. اعلم رحمك الله. Vous avez remarqué que اعلم ça renferme l'ilm. رحمك الله à la rahma. Pour avoir de la rahma, il faut avoir du ilm. وإلا celui qui n'a pas d'ilm, même s'il veut de la rahma, peut-être que toute sa vie, il va appeler à une chose. Il va faire da'wah à son voisin, à un proche. Et il lui veut du bien. Et il veut cette rahma pour lui. Mais il ne va pas le mettre en garde contre le shirk. Est-ce que, il a eu de la rahma pour lui? Non. Pourquoi? L'ignorance. Et c'est ce qu'il a dit à Allah. C'est ce qu'il a dit. قل هذه السبيل الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم elle est fondée sur العلم. قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيره, اي على علم. اما celui qui veut faire du bien لكن il a pas de علم, ربما il va construire et il va démolir, mais il avancera pas, et ceux qui sont autour de lui profiteront pas. لماذا؟ لان cette base توحيد العباده ça doit être la base de chaque da'wah. قال واجعلها في اهتمامك دائما وابدا. Ça doit être notre préoccupation. Là, tu as donné une simple lecture de ce matin ou l'apprentissage de ce matin. خلاص, on a compris le tawhid et on met de côté. Là, ça doit être notre mode de vie, en fait. Si on a compris, on fait comprendre aux autres. Et là, chaque année, il y a des sujets, des points qu'on doit encore approfondir, qu'on doit réviser. Et alhamdoulilah, celui qui a compris, bah, il explique aux autres. Fa imma ilm, il t'apprend, un apprentissage, imma talab, imma da'wah. Fa la ahad yaqul anna خلاص جي كومبري سي تو ا كومبري بروباجي مونتر هكا من الناس اي نو ميتريس با نو كونيس با هذا التوحيد العظيم قال وهي ان التوحيد هو افراد الله بالعباده وليس هو افراد الله بالربوبيه فان هذا اقر به المشركون شيخ الاسلام avant d'expliquer les choubah il a cité cette base au départ التوحيد اي l'unicité c'est quoi افراد الله بالعباده c'est unifier adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul pourquoi il a cité هذا الكلام لان البعض il pense que التوحيد c'est le fait de croire que Allah il a tout créé les yahoud ils ont cette croyance les nasara ils ont cette croyance malgré que l'un se sont égarés بعضهم ربما حتى هذا ils ont des problèmes لكن قديما ils avaient cette croyance Iblis il a cette croyance Shaitan on répète souvent le verset خلقتني من نار وخلقته من طين combien de dans combien de passages Allah subhanahu wa ta'ala il cite l'histoire de Iblis quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam كثيراً في القرآن est-ce que Shaitan قال لا je me prosterne pas لأن c'est moi le créateur أبداً il a pas dit ça il a reconnu et croyait que Allah c'était le créateur خلقتني من نار il a admis c'est clair tu m'as créé de feu donc il a bien su il avait cette croyance que Allah c'est le créateur mais c'était quoi le problème il n'a pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala il en a se prosterner devant Adam c'était une adoration pour Allah il en a c'est Allah qui lui a ordonné il n'a pas voulu Allah il l'a maudit il a affreux فكيف بعض الناس الآن يدون ست عقيدة يديد أن si tu crois que Allah il a tout créé l'akhir فتو as cette croyance donc tu es un mu'min لا c'est une partie du tawhid لهذا شيخ الإسلام il a cité tawhid الألوهية لأن c'est الأصل et renferme les autres قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولم يكونوا موحدين لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب إنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له توحيد الربوبية أي le fait de croire que Allah il a tout créé la آخرة لا شك que c'est واجب celui qui a pas cette croyance c'est un kafir بالإجماع c'est pas un مسلم لكن le fait d'avoir cette croyance أن Allah il a tout créé ça suffit pas لابد d'avoir une autre chose أي d'adorer le créateur أما celui qui adore le créateur forcément il croit que Allah c'est le créateur هذا قوله إنما توحيد ربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له et celui qui croit que Allah c'est le créateur il a la conviction ferme parce que ça doit impliquer il est obligé d'adorer ce créateur وإلا s'il adore pas le créateur est-ce que sa croyance elle va lui être utile si ça aurait été utile ça aurait été utile à Iblis il croit que Allah c'est le créateur المشركون على époque du prophète صلى الله عليه وسلم قال عز وجل ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله si tu leur demandes que c'est qu'à créer les cieux la terre ils vont dire Allah est-ce que ça fait de des mu'mines أبداً النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus لماذا لأن ils n'ont pas voulu accepter توحيد الألوهية كما سيأتي إن شاء الله قال فمن أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية أي توحيد الربوبية c'est un دليل qui montre c'est une preuve qu'on doit adorer Allah عز وجل أي Allah il nous a créé pourquoi pour l'adorer وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ça nous montre أن توحيد الربوبية c'est important أي avoir cette croyance que Allah il a tout créé, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide la akhirah. هذا ستنو pousser à quoi? À l'adorer. لماذا لأن الله عز وجل il nous a créé que pour ça. قال كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأملوا هذه الآية. أمر من الله. الله il a ordonné à جميع الناس. يا أيها الناس s'englobe tout le monde العرب والعجم les arabes les non-arabes les noirs les blancs إلى آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم Ça nous montre un hada tawhid al-azim. Ubudu, c'est un amr. Adorer Allah seul. C'est tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité hada tawhid al-azim, il va démontrer Azza wa Jal, il a démontré Azza wa Jal, c'est lui le Khaliq. Et si vous me reconnaissez en tant que créateur et vous avez sept croyants, enfin vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé nos ancêtres. Alladhi ja'ala lakum al-ard firasha. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك qui sait qui a créé la terre, qui sait qui a fait que cette terre on puisse vivre sur cette terre, وكذلك السماء, et كذلك il fait descendre la pluie pour nous pour qu'on en profite إلى آخره, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك فأخرج به من الثمرات. Tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces ni'am qu'on profite, tout ça c'est minallah. Après avoir cité Tawhid al-Rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité une deuxième fois Tawhid al-Ibada. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Faites attention au shirk qui contredit Tawhid al-Ibada. Le verset commence par un ordre azim, bi Tawhid al-Ibada. Et كذلك, la fin du deuxième verset et le verset suivant, une mise en garde contre الشرك, et qui annule توحيد العبادة. واعلم أن هاتين الآيتين, c'est le premier ordre في القرآن الكريم, في المصحف le tertib qu'on a الآن, الفاتحة ثم البقرة إلى آخره, c'est le premier ordre que Allah il a cité في المصحف. Première chose qui nous a ordonné dans le Coran Karim, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Tawhid al-ibada. Ça nous montre anna c'est l'ordre le plus important. Kadhalik, la première interdiction qui est citée dans le Coran, dans le verset suivant, Fala taj'alu lillahi andad. Ay, mise en garde contre le shirk. Fa notre da'wah, elle doit être fondée sur hal. On appelle les gens au tawhid. Et on met en garde contre الشرك بالله عز وجل. قال هذا هو توحيد الربوبية وهو دليل توحيد الألوهية. فأقام سبحانه الحج عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية ليلزمهم بذلك. Vu qu'ils ont reconnu توحيد الربوبية, المشركون à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont reconnu que c'est Allah le créateur. Allah سبحانه وتعالى il leur a ordonné de l'adorer عز وجل en leur citant cette chose qu'ils reconnaissent. Et si vous reconnaissez vraiment que Allah c'est le créateur et la akhirah, ben vous devez l'adorer. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Qala haythu qala lahum kayfa ta'tarifun annahu huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit kuna fi ibadati wa tushrikuna fi ibadati wa tushrikuna fi ibadati. Et si vous reconnaissez que c'est le créateur, c'est lui qui donne la vie, la mort et la akhirah, pourquoi vous lui donnez des associés fi al-ibada? Pourquoi adorer un mort? Pourquoi adorer une statue? Allah, c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a tout donné. C'est lui qui nous a guidés. C'est lui qui nous donne du rizq. Laylan wa naharan ila akhirik. Thumma, se prosterner devant un caillou. Ou une statue. Ou à notre époque, devant une tombe. Aïna shukr. Là, l'adoration, c'est que pour le créateur. C'est une règle. Qala azza wa jal, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Donc à chaque fois que Wahid il appelle à donner une adoration à autre que le Créateur Subhanah, il appelle au shirk billah azza wa jal. Qala amma alladhina yaqulun inna at-tawhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit ila akhirih fahum ghalitun ghalatan fahishan wa lam ya'tu bit-tawhid al-matlub alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa ala hadha al-manhaj الباطل أغلب عقائد المتكلمين التي تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية. Ceux qui prétendent أن التوحيد أن معنى لا إله إلا الله أن دعوة الرسل c'est le fait de croire que Allah c'est le créateur فقط, هذه c'est une énorme erreur. Et Ha'oula, ils n'ont pas compris Al-Qur'an ou Sunna, ils n'ont pas compris la da'wah de tous les prophètes et des messagers. Et Ha'oula al-Mutakallimoun, que ce soit le Mu'tazila, que ce soit Man ta'athara bihim min al-Rawafid wa al-Sufiya ila akhirih, ou al-Asha'ira kadhalik. Asha'ira, ils ont des problèmes avec ça. أنهم يزكسفليك لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فلهذا تتخوف دان سيغتان بي أن المذهب الأشعري تمكن يزيت لي ست عقيدة يمتن قاعد كنت الشرك بالله peut-être que cette école, cette université, ce masjid dans lequel ils font des dorous إلى آخر il y a un قبر يعبد من دون الله يمتن قاعد لماذا لأنهم يزون هذا المبدأ الفاسد ils ont pas compris التوحيد قال وقصد الشيخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية فهذه أول شبهة وهي أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب وأن من أفرد الله به فهو الموحد وألفوا كتبه فيه وبنوا منهجهم عليه وصرفوا همهم إلى تحقيقه وكم ضاعوا من أوقات وكم ضاعت من جهود أكد هذا الجهل بتترك البعض وتأمل في حال جماعة التبليغ أنهم سليزنيون مساكي يكون إسبات توحيد فبتترك يبا يبا غسبيه son argent بتترك يبا délaisser sa famille يبا voyager وكم من أتعاب وبتترك يبا se faire repousser par les gens إلى آخره. Et cette da'wah, ce voyage qui va durer 40 jours, 4 mois, 6 mois, 1 an, aqal, aqsa, ils appellent qu'à ce tawhid, tawhid al-rububiyya. Anna Allah c'est le khaliq, anna Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre et la terre. Hada al-juhd, l'an il est fait batil. Amma, si on place nos efforts fi ma'na da'wah al-rusul al-sahih, ay, appeler les gens à adorer Allah seul, et mettre en garde contre le shirk, que ce soit le shirk soufia, ou le shirk al-rawafid, ou le shirk al-ihoud, ou le shirk al-nansara, al-muhim, tout le shirk, ah, inshallah, yahsul bihi khayr azim. Qala, wa huwa din al-rusul alladhi arsalahum allahu bihi ila ibadah, ay tawhid al-ibadah, unifié Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, abdoghi kulwi, sa da'wa jami'a al-rusul. قال الشيخ البوزان فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لأنهم معترفون بهذا وإنما طلبوا الأمم بإفراد الله بالعبادة قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما من رسول الله سبحانه وتعالى إلا envoyé pourquoi عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أدعي الله سل إكرتبوا دو طاغوت دو شرك قال ما قال أن يقر بأن الله هو الرب لأنهم مقرون بهذا بل قال عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالسلوي كي ركولي إكي كخواك الله سل كخاتر لكن إلا دور أن طاغوت إلا دور أن طنب عيادة ملا إسك سا كخوانيان سل بيت أتلا أبدا هذا سا دعوة الرسل قال أي اتركوا الشرك بالله عز وجل في الألوهية وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا تأمل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول سنموت هذا كسلا الدعوة de tous les messages de tous les prophètes إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أي دعوة الرسل التي فوندي سور هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال عز وجل فاعبدون هذا الإكسبليكاسيون دو لا إله إلا الله فاعبدون أي الله وحده فالله سبحانه وتعالى ما قال كما قال شيخ بوزان أو رب سواي أو أنه لا خالق إلا أنا الله إلا قدي إلا قصت سلام الله يخسر إلا ست العبادة لماذا؟ لأن سي لسنسيال في هذا الباب السلوي كي عبد الله صلى فخصما إلا غا أبليكي توحيد ربوبية توحيد الأسماء والصفات لماذا؟ لأن سي عبد الله إلا دوري لكخاتر لكخاتر إلا دي نون إلا فيفان إلا دي أتخيب إلا آخر أما أما celui qui accentue sa da'wa que sur Rububiyya, كما يفعل بعض الجهال, peut-être qu'il va, il est sûr qu'il va croire en Allah subhanahu wa ta'ala, لكن peut-être que واحد il va adorer une tombe devant lui, ça lui fera rien. لماذا لأنه il va dire هذا il reconnaît Allah comme créateur. Cette tombe il adore, il sait que c'est pas le créateur. Donc ça fait pas de mal à son tawfiq. Et peut-être que lui un jour, كذلك, il adorera cette tombe, iyadam billah. أما الموحد لا, il sait que cette adoration pour autre qu'Allah, ça annule tout. لأن أشركت لا يحبطن عملك. Ça annule toutes les œuvres, ça annule l'iman بالكلية. قال بل قال سبحانه أنه لا إله إلا أنا أي لا معبود بحق سواي. Et ça c'est من أدلة معنى لا إله إلا الله. قال هذا الذي بعث به الله الرسل ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية, لأن هذا موجود لكنه لا يكفي, بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة, وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. هذا دين جميع الرسل du premier نوح jusqu'à notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Et le prochain dars, inshallah, on lira la suite et il va citer, il va approfondir fi da'wat ha'ula ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Naktafi bi hadha et on passe à notre deuxième dars. Alhamdulillah.